Bah sinon on se retrouve sur une gis. Thank you. On accélère un coup là. On se fait un petit funk, un petit truc funky et puis ça tourne. On fait tourner la branlette quoi. Là, on fait du flamenco avec des solos de strats dessus quoi. Ouais.